déteste ou me vénère, à chaque instant, je suis leur pensée. J'existe à travers eux, ils survivent tous grâce à moi. Très peu souhaitent m'ignorer, d'aucun minore. La loi, légalement, on me déglutit, on me boit. Tu marches au pas ou qu'à la marche tu sois. Toute personne un jour devient ma proie. Je me faufile et m'immise dans plusieurs domaines. La nourriture, la boisson et même en cas de problème, gerber et finir blême. Tu ne te sépares pas de moi comme ça. Je suis nécessairement partout. Peux-tu me voir ou pas? C'est moi la petite voix du gamin capricieux qui ne peut être heureux sans acheter un jeu. La parenthèse, la maîtresse des adorateurs du risque et de la vitesse. Le coup tu pèses, l'amant de ceux qui achètent jusqu'à l'ivresse. Je suis la terreur des bacs à sable, mes aiguilles piquent et transpercent. Je suis la gélule synthétique naturellement riche en morphine. L'oxygène du fumeur qui ne craint pas de manquer d'air et ce malgré mes toxines. Je suis la pureté d'un blanc immaculé, celle que l'on saupoudre et qui n'a la narine. L'orgasme d'une giclée fugitive identique à une conflagration d'épines et frimes. L'acclamation des foules galvanisant le discours d'un salaud que son égo prédétermine. Je suis la démangeaison du grade-grade où jouent donc les casinos. Sa coquine, le bistouri du miroir des Carpates, lui chez moi c'est la peur de vieillir qui domine. Le masochisme du sadisme, le désir fou de souffrir qui s'exprime. Il y a certaines personnes qui me voient simplement équivalent à une faiblesse. Pour d'autres, je résonne comme la force. Je suis un Jedi, je cherche jamais les fesses. Admire l'artiste qui ardemment me côtoie. Il crée avec moi qu'il ait du succès ou pas. Dans les yeux d'un humain, parfois je suis la cible. C'est risqué car souvent en visible. Si cela vient des deux côtés, c'est super, tu vas vite devenir invincible. Mais parler de moitié veut peut-être dire que finir entier est pratiquement impossible. D'un autre côté, sans l'espoir, il y a toutes les chances qu'on me rejoigne pour ne pas être invisible. Je peux être considéré comme une créance de sang. Mon étymologie latine, accolée au pater familias, signifiait littéralement absence d'indépendance et de liberté. Oui, Jean-Pierre, l'esclavage, l'esclavage, l'esclavagisme, ouais, c'est non. Top. Sigmund Freud fut le premier à utiliser ce terme pour définir l'état d'un besoin primitif, l'enfant dépendant de sa mère pour survivre. Josiane ? Névrose ? Non, ce n'est pas névrose, Josiane. Ouh, Violette Trépigne, elle là, je le sens, je le vois. Top, au sens phénoménologique. Violette ? Assuétude. Assuétude, vous me dites ? Oui, assuétude, l'assuétude. Je ne peux pas vous l'accorder, c'est non. Et là, c'est un boulevard qui s'ouvre pour Thierry. Il a tout son temps, il est tranquille, à l'aise dans son épiderme. Hein Thierry, vous êtes cool, serein ? Ouais. Allez Thierry, on y va, faut répondre là, sinon je vous élimine d'office, je suis un fou moi. Allez, top ! La conduite qui repose sur une envie répétée et irrépressible en dépit des motivations ou des efforts d'un individu pour s'y soustraire. Je suis... Bah alors Thierry ? Je sais pas, la toxicomanie peut-être ? Oh non, c'est non ! La conduite qui repose sur une envie ou un besoin répété et irrépressible en dépit des motivations ou d'efforts pour s'y soustraire. L'addiction, Thierry ! Addiction, c'est l'addiction. Pour vous consoler, Thierry, vous repartez avec le dernier petit lablon illustré, avec tous ses mots et définitions. Vous cherchez le sens d'un mot, le petit lablon illustré, a les réponses à vos questions. Évidemment, faut-il que vous vous en posiez, de temps en temps.